arc-en-ciel, un amour de FM. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Et 30 minutes passées, et puis bonjour à toutes et à toutes. Voici le retour de l'émission du mardi après-midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons françaises. Les chansons qu'on a pu entendre et puis bien qu'on n'entend plus du tout, et bien on va les réécouter avec comme des chansons comme avec Salvador Anmo, il y aura Laurent Voulzy, il y aura aussi Charles Aznavour, ainsi d'autres chansons comme Frédéric François, Herbert Léonard et puis Alain Chausson. Voilà, tout aussi des chansons qu'on a pu entendre. Que je te passe très bon après-midi et puis on va débuter l'émission avec Nana Mouskouri suivie de Dalida. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Le pays des anges n'est pas forcément le mal.

tes bras. J'ai besoin ce soir, au moins une fois, d'être dans le noir, de ne plus penser, de fermer les yeux, de laisser aller mon cœur malheureux. Prends-moi dans tes bras, je veux me cacher. Prends-moi dans tes bras, je suis fatigué. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Prends-moi dans tes bras, le temps d'une nuit. Je te laisse mes désirs, mes rêves et mes souvenirs. Ce soir, fais-moi oublier toutes les choses que j'ai ratées. Ce n'est pas facile de dire tous ces mots-là. Je me sens fragile pour la première fois. Je te laisse mes royaumes, mes angoisses et mes fantômes. Tu vois, je suis comme un homme qui n'a plus envie de jouer. J'en ai marre de tout, je ne comprends plus rien. Je suis à genoux dans le creux de tes mains. Prends-moi dans tes bras, viens me réchauffer. Je tremble et j'ai froid, j'ai le corps brisé. Prends-moi dans tes bras, je voudrais crier que je n'ai que toi. Essaie de m'aider. Prends-moi dans tes bras, parle-moi un peu. Dis n'importe quoi et ça ira mieux. Je me suis perdu depuis trop longtemps et je ne crois plus à ce qui m'attend. Je te laisse mes désirs, mes rêves et mes souvenirs. Ce soir, fais-moi oublier toutes les choses que j'ai ratées. Ce n'est pas facile de dire tous ces mots-là. Je me sens fragile pour la première fois. Je te laisse mes royaumes, mes angoisses et mes fantômes. Tu vois, je suis comme un homme qui n'a plus envie de jouer. J'en ai marre de tout, je ne comprends plus rien. Je suis à genoux dans le creux de tes mains. Prends-moi dans tes bras, j'ai besoin ce soir, au moins une fois, d'être dans le noir, de ne plus penser, de fermer les yeux, de laisser aller mon cœur malheureux. Prends-moi dans tes bras, je veux me cacher. Prends-moi dans tes bras, je suis fatigué, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Le temps d'une nuit. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Avec les chansons après Daniel Guichard, et bien je vous laisse avec Rose Laurence et puis Pierre Bachelet. Et puis après Pierre Bachelet avec Alain Chousson.

voyageurs, tournée sonophie en pleurs, admiration. Faut dire, j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit, chante-moi une chanson, j'ai avalé deux, trois maxitons. Puis j'ai bousillé satisfaction, consternation. J'suis mal dans ma peau, en chanteur très beau. Un like just do it, me passe à vélo. J'suis bidon, j'suis bidon. J'suis qu'un mec à frime, un bourré d'aspirine. Un like just do it, me passe à vélo. J'suis bidon, j'suis bidon. J'habite chez ma grand-mère, derrière le garde arrière. Un like just do it, me passe à vélo. J'suis bidon. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Chanson, voici Laurent Voulzy et puis suivi de Salvador Adamo. le soleil d'air. On serait tous un peu frais, le soleil d'or. Le soleil d'or. De l'or intelligent, le soleil d'or. La même couleur aux gens, même couleur aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada. Quand tes amours un matin tournent la page, que dans le ciel il y a trop de nuages, ne reste pas là replié sur tes ailes, quand tout à coup tu es en bas de l'échelle. Donne une chance à la vie, essaye de faire comme si. Donne une chance encore. Amis, un jour te tourne la tête, que tu n'es plus pour eux le roi de la fête. Essaie d'avoir au coin du cœur un sourire, quand tu es seul qu'il ne reste que le vivre. Donne une chance à la vie, essaie de faire comme si. Donne une chance encore. Comme un enfant, racontez-toi des histoires. Quand dans tes yeux reviennent en douce les larmes, et le courage de ne pas baisser les armes. Donne une chance à la vie, essaye de faire comme si. Donne-lui une chance encore. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.

Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comette, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Arc-en-ciel. Radio Arc-en-ciel. Une radio associative locale spécialisée dans la radiophonie et l'événementiel recherche un ou une collaborateur ou collaboratrice pour assurer la gestion administrative et support communication. Mission principale, gestion administrative courante via le back office. Appui aux activités de communication et d'événementiel de la radio. Démarchage commercial. Profil recherché. Bilingue, français, portugais. 5 ans d'expérience professionnelle en secrétariat. Vous faites preuve de dynamisme et d'autonomie ? Votre envie d'apprendre et votre engagement associatif sont des atouts majeurs. Nous proposons une formation d'accompagnement pour vous permettre de monter en compétences sur nos outils spécifiques radiophoniques. Contact arc-en-ciel.iota@gmail.com. Radio Arc-en-Ciel 266 Faubourg Bannier 45 400 Fleury-les-Aubrais. Avec les chansons, et je vous laisse avec Faudric, François et puis Liane Folly. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Le reste est sans importance.

déjà la fin. C'est la fin de ma vie et pourtant le printemps revient. Je n'avais qu'elle au monde, elle me quitte déjà. Pourquoi je vais la retrouver dans mes rêves la nuit. Attendez, je voudrais vous parler de l'encore ce soir. J'ai si mal et je l'aime et je crois la revoir partout. Attendez, ne partez pas encore, je n'ai plus que vous. Au printemps de ma vie, elle me quitte déjà. Pourquoi? Je vais la retrouver dans mes rêves la nuit. Parler de l'encore ce soir. J'ai si mal et je l'aime et je crois la revoir partout. Attendez, ne partez pas encore, je n'ai plus que vous. Attendez, mes amis, j'ai tant besoin de vous ce soir. J'ai les encriers à force de t'écrire. Belle, à ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser sans voix les oiseaux, les ténors du barreau. À fâcher ton reflet dans l'eau, de n'être qu'un écho. Des tiroirs, belle a donné des émotions aux villes de béton. Belle à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Mais elle ne me voit pas, pourtant je sais des que c'est elle, que c'est moi. Mais comment faire, dites-moi, pour qu'enfin elle me voie. Si elle doit partir, je vais en mourir. Belle a usé tous les pinceaux à vouloir dessiner avec de la couleur à l'eau son infinie beauté, à me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire à quoi ressemble ta beauté sans un peu la trahir. Chasser nos démons.

c'est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. D'Allemagne, je connais l'essence interdite. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Thank you.

pas tout ce qu'on veut, mais on a encore la voix, alors viens, on rit. J'ai des rêves plein les poches et des trous dans mes souliers. Je marche droit même quand je cloche, la tête haute, le cœur léger. La ville chante sous la pluie, les vitrines me font des signes, même perdu dans la nuit. Je sais lire entre les lignes, j'ai appris à tomber sans jamais rester par terre, à dire oui à l'imparfait et merci à l'instant sincère. Rire encore, même quand ça fait mal, rire encore, c'est vital. Danser sous les étoiles, aimer sans mode d'emploi. Rire encore, jusqu'au matin, rire encore, tendre la main. La vie déjà, mais trop folle quand on la prend comme elle est. J'ai connu le goût du silence et les promesses sans retour. Des je t'aime en partant, c'est des lendemains. Mais j'ai trouvé dans le chaos un refrain qui me ressemble. Même quand tout sonne faux, je chante pour qu'on tremble ensemble. Si le monde me dit d'attendre, moi je choisis d'avancer. J'ai fait la paix avec le temps et la guerre avec le passé. Rire encore même quand tout casse. Rire encore quoi qu'il se passe. Lever le verre à la chance et au droit. Cacher et encore respirer la joie est une résistance, un acte de liberté. Sur le trottoir, une guitare un peu fêlée. Je fais des miracles ordinaires avec ce que j'ai sous la main. J'ai vu des larmes devenir sel, puis océan à traverser. J'ai vu des cœurs en sommeil se réveiller pour aimer. On n'est pas fait pour survivre, on est fait pour ressentir, pour tomber puis se relever et recommencer à rire. Rire encore à plein poumon, rire encore sans raison, faire du bruit avec le bonheur et du silence avec la peur. Rire encore ici maintenant, rire encore simplement parce que la vie est plus belle quand on la chante en vivant. Avec ses bottes pleines de doutes, mais j'ai appris à sourire. Même quand la route secoue, je n'attends plus que tout soit parfait. Pour ouvrir grand les bras, le bonheur n'est jamais complet, mais il commence comme ça. Rire encore envers et contre tout, rire encore comme un fou, chanter plus fort que la peur et laisser parler le. Rire encore jusqu'à l'aube, rire encore sans robe. La vie danse quand on l'ose, quand on la vit en prose. Ah, rire encore, rire encore, rire encore, rire encore, parce que vivre. Comme un torrent de lave, esclave des flammes qui brûlent, consument sans jamais s'épuiser. Tu es entré dans ma vie, dans mes jours,

regarde tout ce qu'on avait. Que nous reste-t-il, la flamme encore allumée, facile. Quand ta vie ne tournera pas rond, je ne serai pas loin. Qu'importe le vent, la saison, je ne lâcherai pas ta main. Tu seras ma plus belle chanson, mon plus beau refrain. La recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma. Oui, c'est toi ma vedette. Toi et moi, on a la recette. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma. Oui, c'est toi ma vedette. Les fleurs ont beau se faner, tu brilles. J'aimerais. Quand la vie te fera la raison, je n'y serai pas loin. Si tu ne retrouves plus ta maison, je t'indiquerai chemin. Tu seras la plus belle chanson, mon plus beau refrain. La recette, si tu reviens. J'aimerais te serrer dans mes bras, te dire que la vie est une fête. C'est nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre. Passer nos journées sous les draps, des nuits blanches à perdre la tête. Et on fera comme au cinéma. C'est toi ma vedette. Toi et moi, on a la recette. N'était pas dans tes silences, dans tes pas. J'ai cru que l'amour c'était d'attendre, de ne pas faire de bruit, de me rendre. Mais ce matin le jeu a changé, j'ai choisi de tout effacer. On ne me fait plus le coup, j'ai tout compris, cette fois c'est tout. Je suis mon propre choix. Mon cœur est ma seule maison, j'ai trouvé ma propre raison. Je ne serai plus jamais la même. J'ai brisé les châteaux de peine. J'ai dit adieu à mes doutes. J'ai pris ma nouvelle route. C'est fini, je ne fais plus semblant. Je suis ma vie, mon propre plan. Plus jamais la même. J'ai trouvé la clé du problème. J'ai fait le tri dans mes amis. Ce qui me casse, c'est la nuit. J'ai gardé les vrais, les couleurs claires. Ce qui me pousse à faire la guerre, à ce qui me retient de sourire, à ce qui me fait souffrir. J'ai le droit d'être heureuse et forte, de claquer la porte. On ne me fait plus le coup, j'ai tout compris, cette fois c'est tout. Je suis mon propre choix. La simplicité, c'est de se choisir, c'est de ne plus avoir peur de devenir celle que je suis sans aucun masque. C'est ma plus belle tâche. Je ne serai plus jamais la même. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Et puis avant de continuer d'écouter les chansons, et bien voici la programmation de ce soir et mercredi. Donc à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver l'émission d'Electric Shock avec Christophe. Et puis un autre Christophe, Electric Live, entre 21h et 23h. Et demain avec le matin entre 9h jusqu'à midi avec Victor et puis l'après-midi avec Gloria entre 14h et 16h. Et puis après ce sera Violette entre 18h et 19h30 et puis vous allez retrouver Rude André entre 20h jusqu'à 23h. Et là, on continue les chansons et je vous laisse encore un autre morceau country. Et juste après, en duo, c'est Vincent Nico. Different life, but little does she know on that cold and lonely day, she took my world into the night. Rain, please tell me now, does that seem right to leave me here drifting in the dark of night? I can't find the road when the stars have lost their glow, and I got nowhere left to go. Tell her that I miss her so. Whisper to the wind and let the secrets flow. Rain on her heart and remind her of the glow of the love we used to know. Now I'm staring in every reflections in the street, watching every shadow start to fade. Every step I take feels like a slow retreat from the promises we made. Until the sun breaks through the silver gray, the rain is all I have today. Rain, gone to sleep, but I'm still wide awake, counting every drop against the glass. How much of the silence is a man supposed to take? Watching all the hours slowly pass. I see your face in every passing headlight beam, a flicker in the mist, a fragment of a dream. But when the tires hiss and the silence settles in, I'm back to where the lonely days begin. Rain, please tell me now, does that seem right? To leave me here drifting in the dark of night. I can't find the road when the stars have lost their glow, and I've got nowhere left to go. Listen to the falling rain. Jamais disparu. Ton sourire. ta voix mon refuge. Je n'avais jamais compris ce qu'était l'amour jusqu'à te serrer contre moi, si fort, si pur. Car c'est ma destinée. Les saisons passent, mais ta main ne change pas. Abri dans la tempête, flamme sous la pluie. Tu fais de mes peurs un élan de courage, de mes faiblesses une force. Infini. Même là c'est épuisé, ton amour me porte, j'apprends à espérer grâce à toi. Chaque jour je redécouvre la I'm

Bon glacé comme un mauvais chagrin. Dans les rues qui t'enlacent, une ombre passe. On est si pressé. À qui parler? Tu ne rêves que d'un nouvel été. Trop de questions qui dansent dans tous les sens. Où vas-tu aller? Je t'emmène avec moi. Et si demain, si l'ami, l'inconnu, c'était toi, qui rallume une flamme dans un regard, une nouvelle histoire, je t'emmène avec moi. T'emmène avec moi, c'est un ciel parfait pour tout effacer, pour tout recommencer. J'ai mis du temps et la vie.

Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici Mouloudi, juste après une chanson de Serge Lama.